Boum boum boum. Boum boum boum. Musique française. Des années 60 à 80. Boum boum boum. Musique française curieuse tous les mercredis de 22h à 23h sur Prune. On est de retour sur les ondes en 2021. Les studios de la radio ne sont pas encore rouverts. On espère vite revenir en direct, bien qu'aujourd'hui on est quasiment dans les conditions du direct chez moi avec un habitué de nos émissions. Coucou Natos, comment ça va? Bah ça va, tranquille, début 2021, pépère. On aurait préféré avoir le confort de Prune, le canapé, tous les micros, on est obligé d'en partager un pour deux, j'espère que ça te dérange pas trop, j'ai fait une tisane, on s'est mis bien quand même. Non ça va, on a une petite tisane, on a quand même les tasses France 98, il faut le noter, ça c'est classe, on est bien, on est sur un confort plutôt cool. Avis aux prochains invités Boum Bomo, si vous voulez venir enregistrer vos mix directement chez moi plutôt que de me les envoyer par MP3, j'ai les plus belles tasses footix du game. Natos, ça fait au moins 7 ou 8 fois que tu viens dans l'émission, je pense. De temps en temps, il y a eu des sélections où tu as laissé vaquer ton imagination et puis d'autres fois, tu as fait des spéciales, des focus sur un artiste. Et aujourd'hui, c'est un artiste qu'on n'attendait pas forcément puisque pour la première émission Boum Bomo de 2021, on ne va écouter que du Booba. Exact. Ouais, bah, je suis un gros fan de Booba, enfin à peu près les gens le savent, les gens qui me connaissent le savent. Du coup, l'an dernier, il a sorti un coffret qui s'appelait Anthologie, donc sur toute sa carrière, où tous les disques sont réunis, même ceux qui sont jamais sortis en vinyle, notamment Throne. En fait, il a arrêté de sortir des vinyles à partir de 09, du coup, il n'y a pas Autopsie, il n'y a pas Throne, je ne sais plus l'autre entre les deux. Mais donc voilà, donc là on peut passer, par exemple, on peut passer DKR en vinyle, qui est quand même, il faut le noter. On peut passer Willy Denze, qui n'était pas sorti en vinyle, enfin voilà. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de faire un mix chronologique. On va dire qu'on va partir, de Talak et après, on va arriver jusqu'à Throne, le dernier. Quoi. Enfin, Ultra qui arrive bientôt, mais bon, celui-là, pour l'instant, on ne le connaît pas. Donc, quasiment du début de carrière de Booba, parce que Talak, c'est 2004, je crois, sur l'album Panthéon, jusqu'à 2020, donc 15 ou quasiment même 20 ans de carrière de Booba pour cette première émission de 2020. Merci, Natos. Musique. Viennent de la côte, chez nous on dort plus. Chez nous le marchand de sable, slip de la coke. Je dépense mes dollars en sable, me balade en carbe. Je dépense mes dollars en chat et envoie ces connards d'MC en stage. Bientôt on stage à la plage du bled. Faut pas fumer la pipe et la neige à la place du blunt. Dire que t'es du 9-2, raconter que de la merde. Peul, peul, grand tes oreilles, ferme ta gueule. Je me mêle de mes millions, mes 30 millions d'ennemis. Le taux de NFRS mignon, c'est Bédozo sur le sillon. On demande à L.I.M. Love, ni ce qu'il aime. Les beats d'animal sont pissés sur les Schmitt du parc. C'est Bédozo, t'as bien retenu la leçon. Le son qui met la pression, garçon. Au moins, tous les âmes sont. Fais notre garde de n'importe quelle façon. Les coffres, la tôle, passons. J'm'en bats les couilles de façon. Passe-moi la zèbre et la boisson. Négro, nous énerve pas, trop. Trop lourde et la pression, ça fume à se péter le cerveau. Ok, j'éclate mon bif tant qu'il est hal. Pas d'idole, j'ai la zik, le snes comme idéal. Des hauteurs du 100-8 zo. Auteur interprète, représente le bruit et l'odeur. Flot condamné à perpète. Moi j'ai des piranhas dans le bocal. J'ai pas besoin d'un psy mais d'un avocat. Moi je suis un griot. Amateur de voiture allemande. Essaie pas de mettre à l'amende ou tu vas chier par un tuyau. Imprévisible ma génération. J'ai le verset qui bouleverse ma diction et malédiction. Le poids du bled sur les épaules. Lyrics déférés au parquet. J'suis en concert au dépôt. J'arrive en pâle sans péridural, j'fais mal. Kiffe le son, reste tranquille, fais pas le fan, mythoman, neuf de héros. T'auras pas de pif sans B2O, j'casse les enceintes. Tu passes du 45 au 635. Ouais gros, c'est la PSV, ouais bim bim. T'as vu que les impacts, ébloui par le bling bling. Poncef, pour le cul le bif, on se lève. On le tue le bif, on crève, négro bien on rêve. Derrière des barreaux, du

Même si t'es pas convaincu, je reste invaincu. Indomptable d'un camère, t'es nul à chier, tu dégoûtes sa mère. Ton mort, t'es venu l'acheter, tu suces mal, mais t'as du goût, fils sale. Mets du sky dans ma chicha, dans la jungle du Bajay, donc Tarzan cule cheetah. Fais tourner le disque, fais tourner le shit, vite. Team défense dans l'illicite, fils. Les écus faut les mériter. Dans ce vice, tout le monde se baisse. Chacun a la pute dans le cul, en vérité. Pas comme Nelly, j'suis vraiment blessé. Quand j'vois un frère, le baggy baissé. Au premier essai mince, les pinces me gravent sur leur PC. J'voudrais remercier mon EP, sa mère, mon BEP. J'veux pas goûter nos bastos, trop j'te préviens. 9-2, petit bon matos, les vrais le savent très bien. Tu veux du hardcore, viens, j'te mets bien. Ceux qui sont morts, ceux que j'aimais, ceux que j'aimais bien. Tu veux pas goûter nos bastos, trop j'te préviens. 9-2, du bon matos, tout le monde le sait très bien. Tu veux du hardcore, viens, j'te mets bien. À ceux qui sont morts, ceux que j'aimais, ceux que j'aimais bien. J'écris des textes crus, fais peur aux médecins légistes. On est exclus, on n'existe pas, on résiste, nous. C'est la rage qui nous mène en bateau. J'prends l'industrie à quatre pattes, crash dans leur gâteau. Pas de flash pour nos clichés, nous on se lève juste pour pisser. Le passé masque et l'avenir sera postiché. Personne ne bouge, personne n'est blessé, prêt à agresser pour percer à la Jamel de Bouze. Tu reconnais mon flow devant ton imposture. Négro, c'est nous, on fait le show. Fil de gauche, côté obscur. On va pas choquer la roue car elle ne tourne pas. C'est l'heure du partage, ni sa mère, car son partage. Ne joue pas avec la rue car elle ne joue pas. Où je passe, la zèbre ne repose pas. J'ai glissé ma peine et mon insomnie dans la feuille à rouler. Cagoulé, on baisse les boules et les poulets. Le son qui fout les boules, des boules en coupé. Sport, tu peux pas te louper. Assieds-toi sur la boîte, 6 poupées. Ma réalité, tu la faire plus l'homosexualité. Viens pécho dans le 9-2 si tu veux de la qualité. Je veux pas goûter nos bastos, gros, je te préviens. 9-2, tu bon matos, les vrais le savent très bien. Tu veux du hardcore, viens, je te mets bien. À ceux qui sont morts, ceux que j'aimais, ceux que j'aimais bien. Tu veux pas goûter nos bastos, gros, je te préviens. 9-2, tu bon matos, tout le monde le sait très bien. Tu veux du hardcore, viens, je te mets bien. La faucheuse me donne des rencards, mais j'suis toujours en retard, j'en ai pas marre. La famille, les potes, les buts, le genre A, je rentre dans le tas. Pas dans le train, mais dans le M3. Tu veux m'arrêter, moi, ce que tu vas déclencher, ça craint. On va te péter le foie, les reins, chaque fois. J'passe en caravane, les chiens boivent, mais ne mordent pas. Demande pas quel ange m'escorte. Trop fort, ce qu'il y a dans le mélange. J'essaie de mentir au désenchantement, mais souvent c'est encore pire. J'serre une autre taf quand j'vois le score. On se met dans la merde pour en sortir, c'est hardcore. B2O dans tes oreilles, qualité, oseille. Vie dans l'inégalité, triste réalité. Agis, ça sert à rien de les bas. Moi je suis toujours en train de bébar, spit clébar. Écoute mon son, prends ton pied avec la faucheuse. Laisse rappeur et rappeuse désosser sur la chaussée. Tu veux pas goûter nos bastos, gros, je te préviens. 9-2, du bon matos, les vrais le savent très bien. Tu veux du hardcore, viens, je te mets bien. À ceux qui sont morts, ceux que j'aimais, ceux que j'aimais bien. Tu veux pas goûter nos bastos, gros, je te préviens. Tout le monde le sait très bien. Tu veux du hardcore, viens, je te mets bien. À ceux qui sont morts, ceux que j'aimais, ceux que j'aimais bien. Pro, je te préviens. La faucheuse, pro. Si, si. Les vrais le savent très bien. On t'est on, pro. 9-2 et injection. Le son qui met la pression. Excalibur de son enclume en 6-45, je suis le pitch, avec une plume. Tout commence dans la cour de récréation. Malabar, choco BN, salle noire, ma génération. Enfant seul, sans problème, sauf à la maison. J'ai pris la vie par derrière sans me poser de questions. J'aime une femme, elle m'a donné le sein. M'a appris à me tenir, à différencier l'homme et le chien. M'a dit tu as la rage, dégage ou je te pique. Femelle en chaleur, elle se part dans les pages ou je te nique. J'ai grandi, suis mort en silence. Crucifié sur une caravelle, sous l'œil éternel d'une étoile filante. Dans ce Capharnaüm, derniers seront les vainqueurs. Mes rimes te touchent au cœur en plein sternum. La vie d'un homme, la mort d'un enfant. Du sang royal dans les veines, promis en sport et en chant. Bras levés, tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène.

Au pays de l'argent facile, combien sont morts en chemin? Faut que les APL, les transports en commun. Poudre à canon dans les poumons, j'crache les MC, pète les boulons, j'marche seul avec mon Easy Man. 9-2 Easy Man, gros numéro 10. Avant qu'ils disent, ne me choisissent, prie pour que les rivières du stick se refroidissent. J'descends au rythme, tu baisses ta grosse, hein. L'hôtel Ibis, flow, testa rosa. J'pas les spas grâce au graphiste, ton cul, j'fais la rosta. Zama, les dernières peu ça, t'en oublies que je rappe mieux que toi, tu regardes que ça. Faudra me couper la langue pour que je crache. Personne ne vend plus que Wam, à ce que je sache. Alors restez tranquille, je pars au Bahamas. Je te laisse donc crever ta race sur la banquise. Suffit d'une phase pour les réduire en purée. Tu sais pas qui je suis, google-moi en cul. Tu veux prendre des risques, tu veux faire du cash. Faire dans l'illicite, avoir de grosses liasses. Mais pour faire des millions, c'est de plus en plus dur. Salade, tomate, oignon, avis, c'est de plus en plus sûr. Tu veux prendre des risques, tu veux faire du cash. Faire dans l'illicite, avoir de grosses liasses. Mais pour faire des millions, c'est de plus en plus dur. Salade, tomate, oignon, avis, c'est de plus en plus sûr. L'essence répand comme une traînée de coude, c'est celle que l'on fait chacasser. Rends-moi à court, des cloisons, des crânes fracassés. Envie de tabasser, un cool à présager. Ma cote en hausse comme le taux usagé. Sans visa, tu voyages, ne sens plus ton visage. La volaille en vis-à-vis, on est décevant le paysage. De massacrant, tu meurs, massacrant de plumes, que des thunes. Moi, on est dans le crâne comme une putain de tumeur. T'entends presque dans le noir, on voit cette putain de lueur. Complètement genou, fais son tes potes, ce n'est pas une putain de rumeur. C'est elle que l'on resserre, je fais gonfler la recette. 9-2-0.9, elle flingue kérosène. Blanche demoiselle, le profit reste détaxé. Les mœurs déplacées, vos profils de désaxés. Tu cheats dessus, serait-ce la frousse ou le manicole? Ressent la foudre, son de la brousse, haute chaîne école. Tu veux prendre des risques, tu veux faire du cash. Faire dans l'illicite, avoir de grosses liasses. Mais pour faire des millions, c'est de plus en plus dur. Salade, tomate, oignon, avis, c'est de plus en plus sûr. Tu veux prendre des risques, tu veux faire du cash. Faire dans l'illicite, avoir de grosses liasses. Mais pour faire des millions, c'est de plus en plus dur. Salade, tomate, oignon, avis, c'est de plus en plus sûr. T'as travaillé pour ce bled ta vie entière. Tu as cru bien faire, donne-moi la main de ta fille. Vieux con, je vais vous sortir de la misère. Un vrai duc, un vrai baron. Violent depuis les couilles du daron. Je rentre chez le concessionnaire. Basket, casquette à l'envers. De Boulogne, Colombe, Anières, Gégène, à l'enterre. J'suis pas dans le bling bling, enculé, j'suis diamantaire. Plein de haine comme les rayures sur ma portière. Payé comme au golf, deux buts m'attendent sur le sofa. Deux armes à limousine, une troisième pute, suce le chauffeur. J'parle tout en bif car ici pas rien n'est offert. Substance illicite, frère, paye les faux frais. Ceux qui me connaissent savent que ma place est dans la fosse au lion. Harissa mayonnaise, poteau, salade, tomate, oignon. Medimed à son nom, sa maman Jack dans un sodo. Même si je t'encule en chantant do, ré, mi, fa, sol, la sodo. Tu veux prendre des risques, tu veux faire du cash. Faire dans l'illicite, avoir de grosses liasses. Mais pour faire des millions, c'est de plus en plus dur. Salade, tomate, oignon, avis, c'est de plus en plus sûr. Tu veux prendre des risques, tu veux faire du cash. Faire dans l'illicite, avoir de grosses liasses. Mais pour faire des millions, c'est de plus en plus dur. Salade, tomate, oignon, avis, c'est de plus en plus sûr, plus sûr. Négro, quand tu m'attaques, je LOL, smiley face. Mets tes warnings, lance un SOS, convoi exceptionnel, écarte les FES, je rappe depuis le ciel, et les étoiles entre elles, ne parlent que de moi, parce que je suis frais comme à l'ancienne, je les baisse comme des chiennes, à chaque fois elles reviennent, esclaves j'avais des chaînes, c'est tout ce qu'ils retiennent, les couronnes vides, mais j'ai les poches pleines, rappeur préféré des héros qui purgent de grosses peines, main de gorille sur le pic, flow de Carlsen, tyrannie sur le beat, c'est Saddam Hussein. Je vais arriver en baissant les yeux, je vais les gifler en partant. Je veux peser comme Depardieu, gagner dès le premier carton. J'ai vu sur la mer, tout plein du Satan. Faire du bis avec moi, oh, j'ai pas le temps. Je pense qu'à faire de l'argent, je pense qu'à faire de l'argent. Je pense qu'à faire de l'argent, je pense qu'à faire de l'argent. Pas quel silicone, Saddam Hussein. Pas quel silicone, Saddam Hussein. Les négros sont tués, veulent détrôner le duc. Calage dans son étui, long bien profond dans le huc. Ma parole est de platine, ton silence est de l'or. Je glisse en boîte, je patine. Gros haineux, t'es resté dehors. Viens à mes concerts, y'a grave de la charge. Des fois ça part en couille, ça fait ratatata. Moi j'ai pas fait la fac, comme les mecs de la bac. C'est soit l'argent du rap, ou soit l'argent du crack. Mon président est black, ma carte bleue est black. Pourquoi tu jacques? Si tu kiffes app, t'écoutes app. Écrit en blanc et black, comme sur la bouteille de Jack. Trop de biatch dans la Maybach, je capte mal, call me back. Je vais arriver en baissant les yeux, je vais les gifler en partant. Je veux peser comme Depardieu, gagner dès le premier carton. J'ai vu sur la mer, tout plein du Satan. Faire du bis avec toi, oh, j'ai pas le temps. Je pense qu'à faire de l'argent, je pense qu'à faire de l'argent. Je pense qu'à faire de l'argent, je pense qu'à faire de l'argent. Pas quel silicone, Saddam Hussein. Pas quel silicone, Saddam Hussein. J'ai mon fusil mitrailleur, j'ai pas besoin de ton aide. Je le porte dans mon cœur, donc partout je suis dans mon bled. Gravé sur mon glaive, pas quel silicone. Gros tapin, 6h du mat, la querelle, je suis dans mon bed. Rappeur de haut niveau, whisky dans le ghetto raid. Tiré sur le physio, c'est de ça que le ghetto rêve. Mon frère, j'ai beau tout faire, personne ne me recrute. Centre de Lucifer, t'es des buts de belle zébute. Fuck avoir un père, j'préfère qu'un gangster m'éduque. Aigle du désert, discute avec ses fils de pute. Ras des villes en Niker, swag sur air de flûte. Aucun de mon espèce n'y arrive sans faire de chute. J'suis arrivé en baissant les yeux, j'vais les gifler en partant. J'veux peser comme Depardieu, gagner dès le premier carton. J'ai vu sur la mer, tout plein du Satan. Faire du bis avec toi, oh, j'ai pas le temps. J'pense qu'à faire de l'argent, j'pense qu'à faire de l'argent. J'pense qu'à faire de l'argent, j'pense qu'à faire de l'argent. Pas quel silicone, Saddam Hussein. Pas quel silicone, Saddam Hussein. Sors les cages comme à Marseille. Bah ouais, Morin. Easy. Tes négros n'ont pas d'oseille. Dans la street, tout se monnaie. Les vrais savons se connaît. Anti-RS, on se connaît. J'ai des gros bras, la charte à Popeye. Crache-moi dessus, je te lance une bouteille. Difficilement, je trouve le sommeil. Menton pointé vers le soleil. M-O-L-O-D-O-V cocktail. Je te baisse, je te laisse à l'hôtel. J'passe au Lamborghini, Maybach fantôme, tu restes à l'hôtel. J'suis dans le textile, Sonia Riquel. J'ai le vis à l'américaine. J'me taperais bien une dominicaine. J'la mettrais yum tout le week-end. J'la mettrais yum tout le week-end. Downtown, j'ai vu sur Brickel. Voilà, j'suis frais, j'suis nickel. J'ai les high-plane, j'ai un habituel. J'parle comme à Romain Michel. T'as le soir à Sacha Distel. Fortuné, t'as Alpha Quitaine. T'es sur le banc, j'suis capitaine. Montre entièrement lunettes de soleil. Sors les cages comme à Marseille. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Moi et mes rayons, on part sur la lune, amuse-toi bien, on meurt des mosaïques. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Que c'est zéro, toujours plus haut. La République me suce le tuyau. Monsieur l'agent, je t'enfonce le triangle. C'est vrai. Et le gilet fluo, je veux faire des sous, mais je suis paresseux. J'aime pas ta gueule, je te baisse ta receuse. Je n'ai confiance qu'en mon désert qui gueule. Et bisou dans les arrêts de jeu. Elle est dans la chambre, elle est sous les draps. J'ai des jambes à la place des bras. Elle pense que je suis en train de la doigter. Je lui mets mon gros doigt de pied. Mes deux questions préférées, qu'est-ce que je vais faire de tous ces deniers? Si je te fends le crâne en deux, quel œil va fermer le premier? Continue à glousser, je te fume et je roule à trois feuilles tes ongles. Continue à pousser, tu pourras griffer ton cercueil. Je sais que j'ai la brosse qui tue et même ton corps reconstitué. On ne sait toujours pas qui tue et ta grand-mère la prostituée. Montre en diamant, lunettes de soleil, par les cages comme à Marseille. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille, je vais faire de tout cet oseille. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Moi et mes rayons, on part sur la lune, amuse-toi bien en heure des Moselles. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille, je vais faire de tout cet oseille. Ma question préférée, qui je vais faire de tout cet oseille? Je ramasse deux trois galériennes, partie de jambes en l'air, punchline anti-aérienne. Si je lâche des paroles en l'air, laisse tomber, moi et c'est la guerre. Le motif du crime c'est l'arzère, nique sa mère même, il sait que ça génère. La juge m'a dit que j'exagère, mais nique sa mère, c'est elle aussi. Son arrière-grand-mère aussi, en a envie à ses hommes. Leur meuf est bonne, la mienne aussi. Scène du crime, c'est moi le rorti. J'suis en couleur, t'es mal sorti. J'suis mal au stand, file ta mère, la hyène, t'es mal nutty. J'te nique ta life gratuit, y'a pas quoi. J'suis le meilleur, c'est la vague. P2OBA, escroc mafieux comme Jarrah Pasqua. Vulgaire, faute de grammaire, sirote du Jack, de grosse marmelle. J'voyage en jet, j'prends l'euro tunnel. J'me sens comme dans la chatte à ta mère. Montre en diamant, lunettes de soleil, par les cages comme à Marseille. Ma question préférée, qu'est-ce que j'vais faire de tout cet oseille? J'vais faire de tout cet oseille, j'vais faire de tout cet oseille. Ma question préférée, qu'est-ce que j'vais faire de tout cet oseille? Moi et mes rayons, on part sur la lune, amuse-toi bien en heure des Moselles. Ma question préférée, qu'est-ce que j'vais faire de tout cet oseille? J'vais faire de tout cet oseille, j'vais faire de tout cet oseille. Ma question préférée, qu'est-ce que j'vais faire de tout cet oseille, hein? Back to the future. Mettant sa main droite, je monte sur Paris. Là, je veux dire, on sait comment. Tchir. Le prix de la cargaison varie. Les loups boudins massent la Ferrari. J'suis pas ton ref, y'a pas d'Harry. Pour la guerre, j'suis Roscoff, pour le shopping, j'suis Qatari. J'veux le flow de ta chatte, j'veux les fonds de Jack Attali. Je lui ai dit, j'veux te la mettre. Elle m'a dit, j'veux mettre du cavali. Grise et la matière, noir et la manie. Me sucera-t-elle pour du Armani? Ces négros sont 8, mais ces négros sont weak. Moi et la gloire, meilleurs amis. Tout est permis dans ma fédération. Les déflagrations sont des célébrations. J'ai bien retenu la leçon, ségrégation, cours de récréation. J'vais niquer ta mère, ils vont repasser l'action. MAD, MAX génération. J'suis un selfie, tel photomaton. J'ai des amis flics et des potomatons. Non pas par gentillesse, pour faire entrer des iPhone 6S. Non pas par gentillesse, pour faire entrer des iPhone 6S. Dans le turf, j'dois appeler Houston en cas de problème. Le 1143 mieux que la lutte gréco-romaine. J'ai des 3W, j'possède plusieurs noms de domaine. J'ai des McLaren, fuck une BMW. Qui es-tu, fils de pute, c'est les questions que je pose. La simplicité, c'est de tuer qui s'oppose. Les clients ont eu leur dose. Mes diamants sont dans leur rose. J'défends le terrain comme Emerson. J'ai millions de Benjamin, t'as des liens de Jefferson. Ils appellent ça l'horreur. T'as plus de followers, t'es plus personne. Street comme Audi Marco, j'préfère jouer à la plaie quand des deux à Sochaux. J'ai envie de poster ma queue, sodomiser tous les réseaux sociaux. Sombre rat puis jusqu'à Alger, qui va m'arrêter par la 4G. Négro, tu veux pas perdre, faut pas jouer. Si j'pars, tu pars aussi, ah bah ouais. Le rap français, pas de l'aile, j'ai changé le pot. J'étais dans le cul de Tahlel just a week ago. J'ai frite le H, fais des passes d'aise. Ces fils de lâche sont en passe d'aise. Fils dans le barillet, j'vais bien finir par y arriver. Mental Léonidas. Niquer des grands-mères, y'a que ça qui marche. Parfait en couleur de toute l'Italie. J'peux te sortir du game comme un Koulibaly. Demande à des loups de faire preuve d'humanisme. J'suis prêt à jurer que j'ai connu Mani. Ils ont été conçus par le fion. On a pris le dessus par le fond. Touche ta sasem, y'a pas 30 balles. Personne te regarde comme le handball. J'te traite comme négro d'implantation. 400 ans de fois t'as appartenu la leçon. ferme ta gueule et prends tes ronds. Je dépense encore de l'argent de Panthéon. Étiquette blanche aux gros orteils. T'auras jamais la carte fermée. Numéro 1, je suis formel. Mon émerveil se trouve loin de Montfermeil. Dans le turfus, je dois appeler Houston en cas de problème. Le 11-43, mieux que la lutte gréco-romaine. J'ai des 3W, je possède plusieurs noms de domaine. J'ai des McLaren, fuck une BMW. Argenté, constate les analyses. Des rappeurs français découpés, des kilos d'est dans la valise. Je tiens toujours mes balles en temps de crise, de pénurie. Je suis rentré dans la matrice, esquive les balles comme Kenny Reeves. De nouveau dans le biz, je suis la plus hautaine qui ne pise. Mon hobby me taper au sabre avec Obi-Wan Kenobi. Info dispo sur le site, man. Premier sur le shit, man. Il trema sur le sud, 56 000 euros le fit. On connaît déjà le générique de la nuit. Pas le bon titre, on a vidé les deux de ton chargeur. Si les chicots tombent pif, un faux move, on te recherche. Je traque dans toute la ville, on nique ta mère et ta grand-mère. Si elle est toujours en vie, 6h du matin, cache ses PD, qu'on les me questionne. Bien entendu, je nie, je ne reconnais personne qui a honte d'être un négro à part Michael Jackson. Shoot à Babylone, à bord d'une Martin Aston. Lunettes noires, vitre baissée, c'est moi dans la benzo. On croise à 20 à l'heure, comme dans les rues de Crenshaw. Compère peu fréquentable, insolent comme son père. Négro, crois pas qu'on perd la chatte à ton père. Mais déjà, dis-moi d'où tu connais pas mon beat. Yeah, violet, d'où me connais. J'fais easy money. D'où tu connais pas mon beat. Yeah, violet, d'où le bonnet, j'fais ici. Tu crois que j'ai perdu le nord, que je me suis éparpillé. Flingue dans la bouche, yeux écarquillés. Je ne les laisse pas crier. J'encule le système français, oui je suis expatrié. Seul un peu d'oseille pourrait me rapatrier. Bien sûr, je continue le son pour faire du halal billet. Musculation, rice and beans, pas banane grillée. Je viens du Sénégal, le soir observe les calages briller. À quelle city dans la place, retrouve ton palace billet. Ici bas, j'ai rien à faire à part acheter des gros apparts. Va dire au chauffeur que je pose mon cul, je veux comme Rosa Parks. Alerte aux météorites, putain de gros impacts. Tout partout, t'es une terreur. Chez nous on trouve super sympa. J'ai le gauche, droit, gauche d'un boxeur cubain. T'es pas frais, tu montes sur Neuzet comme pour aller acheter du pain. Et nous sommes les meilleurs, les vrais négros le savent. Concert à guichet fermé sur bateau des esclaves. Lunettes noires, vitre baissée, c'est moi dans la benzo. On croise à 20 à l'heure comme dans les rues de Crenshaw. Compère peu fréquentable, insolent comme son père. Négro, crois pas qu'on perd la chatte à ton père. Mais déjà dis-moi d'où tu connais pas mon beat. Yeah, violet, d'où le bonnet. J'fais easy money. D'où tu connais pas mon beat. Yeah, violet, d'où le bonnet. J'fais easy money. Quelques mauvais conseils et trafic pas net. Grâce à ça, je paye ma bouteille, tu payes ta canette. Tu te fais des casse-croûtes, je me fais des restos. J'envoie des diamants à ma go, t'envoies des textos. Pourquoi frime-t-il autant? Pourquoi est-il si méchant? L'argent pourrit les gens, mais du chrome sur mes jambes. Quand je serai grand, je serai président, j'ai besoin qu'on pistonne. Je veux jouer du saxophone, sucer comme Bill Clinton. T'as autant de style qu'un bat de cerveau. Fait une paire de Weston. Qui a plus de flow que stoppé deux autres personnes. Burlington, père de Stan Smith, Smith et Wesson. 20 janvier 09, j'm'arrache à Washington. Jusqu'ici, tout va bien, négro, plus rien ne m'étonne. Mon easy pèse une tonne, je ne viens que pour des grosses sommes. J'suis dans mon living room, j'vends des ringtones. La concurrence prend dans le cœur, vu comme Elton John. Lunettes noires, vitre baissée, c'est moi dans la benzo. On croise à 20 à l'air, comme dans les rues de Crenshaw. Compère peu fréquentable, en solo comme son père. Négro, crois pas qu'on perd, la chatte à ton père. Qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai pas baillé, baillé, fait des dégâts. Tyson Gribord de bombardier. Je vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens pas la main, ça va parler. J'ai déjà le ballon baissé sur le palier. Comme André Tchomé, oh, je suis médaillé. Pas mon os négro, allez, d'aller. La cuenta fut très très sale. Ta Allah, je vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Faut mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis trahi comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai bataillé, taillé, fait des dégâts. Je n'entends pas douter ces hyènes. J'suis pas un plat de thieboudienne. Même noir, j'pourrais rougir de haine. Esclave n'a pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business, je vous en prie, descendez-là. Le cours de tâche n'est qu'est en baisse. Serre-moi un shot de Mandela. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert de client en cage? Envoie le H, les millions cash. Faut mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. Comme un sauvage. Lion de la terre en Gaïa R. J'ai fait ce qu'il fallait, fallait. Sénégal, DKR, génération boule, fallait, fallait. Il aimait l'Afrique, mais la moulin l'a poussé à tailler, tailler. Passe-moi les masses à Mamakosa, FL, Omar, Salvatrocha. Négro n'a pas vraiment de shot. Le boulet plat, tu ne fais pas vraiment de squat. Pour toi, j'ai formule adéquate. Hypercute de gauche et droite. Tyson Gribord de bombardier, j'vais te casser le dos. Et la branche a trop accéléré, elle a gâté le haut. Première roue arrière et des mers, j'ai changé le port. Je suis pirate donc loup de mer, je peux te montrer les crocs. Jabate ma mirouze. Toujours pas fait bercer, bâtarade. Et tu parles beaucoup, mais t'agis pas, t'es pas taré. Elle veut pas que je crase dans la fosse. Ah bon? Comment veux-tu que l'on fasse? Ah bon? Pas bon du tout, je vais lui glisser un MD. Ça va aller. Mon oseille au coffre, mon oignon sur la gâchette. Bang bang bang. Tu es cassé le dos, j'ai pas pris son 07. À la pêche. À coup de DU, c'est billet là, tu en cèderas. Soit nous sentez bonheur, le reste on l'achètera. Bah échec, je n'ai pas trouvé de lien. Parler de mes défaites, c'est ne parler de rien. Fuck la retraite et je ne regrette rien. J'ai fait ma recette et je le mérite bien. Il manque 200 000, ça va pas aller. Je vais le refaire manana d'aller. Pas d'âge pour acheter un vin dans l'horrible. Donc y'a pas d'âge pour te parler. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Alhamdulillah, nous ça va aller, ça va aller.